Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Prêt 1862. Question 31. De la conception du Sauveur quant à la matière dont son corps a été formé. Le Christ a pris son corps d'Adam, d'Abraham et de David, sa généalogie, il a dû naître d'une femme. Son corps a été formé du sang très pur de la Vierge, son rapport avec les patriarches, exemption du péché. 1. La chair du Christ a-t-elle été prise de la souche d'Adam? L'apôtre dit, le Fils de Dieu ne s'est pas uni les anges, mais il s'est uni la race d'Abraham, Hébreux 2, 16. En prenant la nature humaine, le Christ voulait la purifier de sa corruption, or la nature humaine n'avait besoin d'être purifiée que parce qu'elle avait été viciée dans Adam. Pour cela même, il dut prendre sa chair dans de la masse commune qui émane de notre premier Père, afin de guérir notre nature par son union avec elle. Note. Quand saint Paul disait, le premier homme, venu de la terre, était terrestre, le second, venu du ciel, est céleste, il n'entendait pas que le Christ n'a point tiré son corps de la souche d'Adam, il considérait sa divinité même et la vertu qui avait formé son corps terrestre. Si le Christ, qui a pris son corps de la souche commune du genre humain, n'a pas contracté le péché originel, c'est qu'il n'a pas été conçu, comme les autres hommes, par la puissance génératrice. Fin de la note. 2. La chair du Christ a-t-elle été prise du sang de David? L'apôtre dit expressément que le Christ a été formé de la race de David selon la chair. Romains 1, 3. En effet, il y a surtout deux anciens patriarches dont le Christ est appelé le Fils. Ce sont Abraham et David. On en apporte plusieurs raisons. Premièrement, la promesse du Rédempteur leur avait été spécialement faite, car il avait été dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta race » Genèse 12, 18, et à David, « Je placerai sur ton trône le rejeton de ton sang » Psaume 131, 11. Aussi, quand le peuple juif accueillait Jésus avec les honneurs royaux, il s'écriait « Hosanna au fils de David ». Deuxièmement, le Christ devait être roi, prophète et prêtre. Or Abraham était non seulement prêtre, comme on le voit par cet ordre que le Seigneur lui donna, « Prenez une génisse de 3 ans, etc. » Genèse 15, 9, mais encore prophète, ce qui résulte de ses autres paroles, c'est un prophète qui priera pour vous. Genèse 20, 7. David, de son côté, fut à la fois roi et prophète. Troisièmement, la circoncision commença dans Abraham, et l'élection de Dieu se manifesta surtout en David. D'après cette parole de l'Écriture, le Seigneur a cherché un homme selon son cœur. 1 Rois 13, 14. Voilà pourquoi le Christ est spécialement nommé fils d'Abraham et fils de David. Il était le salut des enfants de la circoncision et de ceux qui seraient choisis parmi les gentils. Note. Le manichéen Faust prétendait démontrer que le Christ n'était pas fils de David, par la raison que Joseph n'était point son père, comme s'il n'y avait pas eu un vrai mariage entre Joseph et Marie, comme si Joseph et Marie n'étaient pas de la même tribu, comme si ce n'était pas parce qu'ils appartenaient à la même famille qu'ils étaient venus se faire inscrire ensemble à Bethléem. Fin de la note. 3. La généalogie du Christ est-elle convenablement retracée par les évangélistes? La convenance de la généalogie du Christ repose sur une autorité divine, Car saint Paul dit, toute l'écriture a été divinement inspirée. 2 Timothée 3:16. Selon le même apôtre, les choses qui viennent de Dieu sont bien ordonnées. Donc la généalogie du Christ a été convenablement retracée. Note. Julien l'Apostat faisait cette objection, un homme n'a pas deux pères. Or, selon saint Matthieu, Joseph, époux de Marie, était fils de Jacob, et, selon saint Luc, il était fils d'Élie. Voilà une contradiction. Point du tout, reprenait saint Grégoire de Nazianze, les deux évangélistes désignent le même individu sous différents noms. Pour nous, nous aimons mieux répondre, avec saint Augustin, que Joseph était tout à la fois fils de Jacob, qui descendait de David par Salomon, et fils d'Élie, qui en descendait également par Nathan, frère de Salomon. Voici le fait, Jacob et Élie étaient frères, Élie mourut sans enfant, et Jacob épousa, selon la loi, la veuve d'Élie. Il en eut Joseph, qui, aux yeux de la loi, était le fils d'Élie. C'est ce qui fait dire à saint Matthieu, Jacob engendra Joseph, tandis que saint Luc, qui retrace uniquement la généalogie légale, ne se sert pas du mot engendré. Fin de la note. 4. Convenait-il que le Christ naquît d'une femme? L'apôtre écrit, Dieu a envoyé son fils formé d'une femme. Galates 4, 4. Le Fils de Dieu pouvait former sa chair d'une matière quelconque, mais il convenait qu'il la prît dans le sein d'une femme, car il ennoblissait par là toute la nature humaine. L'affranchissement de l'homme, dit saint Augustin, devait apparaître dans les deux sexes. Prenant le sexe le plus noble, il montrait par sa naissance même qu'il venait racheter les femmes aussi bien que les hommes. Ensuite, il établissait de la sorte la réalité de son incarnation. Le grand docteur que nous venons de citer, écrivant à Volusien, disait très bien, si Dieu, par sa toute-puissance, avait formé un homme sans le faire naître dans le sein d'une mère et l'eût produit tout à coup à nos regards, il aurait favorisé l'erreur de ceux qui ont prétendu que le Verbe n'avait pas réellement pris notre humanité, et de plus, à force de merveilles, il nous aurait dérobé les œuvres de sa miséricorde. Dans le Christ, tel qu'il est, nous avons entre Dieu et nous un véritable médiateur, qui, réunissant les deux natures en sa personne, relève l'ordinaire par l'extraordinaire et tempère le merveilleux par le naturel. Enfin, une telle naissance complétait les divers modes de la génération humaine. Adam, formé du limon de la terre, ne dut son origine ni à l'homme ni à la femme. Ève, formée de l'homme, ne dut point la sienne à une femme. Les autres hommes proviennent d'un homme et d'une femme. Il était réservé au Christ d'être formé de la femme à l'exclusion de l'homme. Note. Homme, s'écrit saint Augustin, ne vous méprisez point, le Fils de Dieu a voulu être homme. Femme, ne vous avilissez point, le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. Qu'y a-t-il dans la naissance du Sauveur qui puisse nous étonner, si le rayon de soleil dessèche la boue sans en contracter aucune souillure, combien plus celui qui est la splendeur de la lumière éternelle peut-il purifier, sans en recevoir nulle atteinte, ce qu'il illumine. Fin de la note. 5. Le corps du Christ a-t-il été formé du sang très pur de la Vierge? Le corps du Christ a été formé du sang très chaste et très pur de sa mère par un mode supérieur et surnaturel de génération où la vertu même de Dieu a été le principe actif. 6. La chair du Christ a-t-elle été dans les anciens patriarches d'une manière déterminée? La chair du Christ n'était ni dans Adam, ni dans Abraham, ni dans les autres patriarches, par quelque chose de tellement déterminé qu'on pût dire, voici la matière dont elle sera formée. Elle n'y a été, comme le corps des autres hommes, que par son origine, c'est-à-dire par le corps même de sa Sainte Mère, qui n'y préexiste à lui-même par rien de déterminé. Note. Par là même que le Christ a eu un corps formé du sang très pur de la Vierge, qui tirait elle-même son origine d'Adam et des autres patriarches, son affinité avec le genre humain est suffisamment établie, quelle que soit la manière dont son corps a été formé de ce sang. Fin de la note. 7. La chair du Christ a-t-elle été assujettie au péché dans les anciens patriarches? Autre fut la condition des patriarches, autre celle du Christ. Les patriarches furent assujettis au péché originel, le Christ en fut exempt. Ils avaient péché en Adam, le Christ, qui n'en a pas tiré son origine par la voie commune, ni a nullement péché. Sa chair ne préexistait point en eux comme portion réelle de leur corps. Peu importe donc que leur chair entière ait été infectée par le péché originel, la sienne, formée par l'opération du Saint-Esprit, a été prise exempte de toute souillure. Rien d'impur ne s'est trouvé en elle. Note. La nature humaine a été prise par le Verbe tel qu'elle était dans Adam avant le péché. Fin de la note. 8. Le Christ a-t-il été décimé dans Abraham? Abraham, donnant la dîme à Melchisédek, qui était la figure du Christ, se déclarait conçu dans le péché et proclamait que tous ses descendants auraient besoin d'être guéris par celui qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi Isaac, Jacob, Lévi furent décimés dans sa personne. Quant au Christ, qui descendait de ce patriarche par la substance corporelle, mais non par le principe actif de la génération auquel la transmission du péché originel est attachée. Il était dans ce père du peuple juif comme le médecin qui doit guérir, au lieu d'y être comme l'infirme qui attend sa guérison. Il n'a pas été décimé dans la personne d'Abraham. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.